Bonjour auditeurs de Radio Guimauzo, nous sommes en direct, il est midi une, bon appétit. Tu es sur le 107, si jamais tu as atterri ici par erreur, eh bien je t'invite quand même à rester. C'est Lia et je t'accompagne durant cette troisième émission micro ouvert où nous retrouverons Victor de la salle de concert chez Narcisse en fin d'émission et un peu plus tôt Christophe de l'association Romarie Montaigne, le groupe solidaire citoyen. Je suis aussi venue avec mes petits sons et plein de sourires à distribuer. Et oui, ce matin, en venant à la radio, il faisait beau, la route était agréable et en croisant toutes sortes de personnes, j'ai eu envie de sourire. Et quel bien ça m'a fait de voir les gens répondre à ce sourire. J'étais sans masque, mais pas de panique car j'étais dans ma voiture et eux aussi. Et j'ai vu de belles expressions sur leur visage et ça m'a bien réchauffé le cœur. Je t'invite, si tu en as envie, à faire pareil durant toute cette journée. Challenge sourire, allez, envoie-moi tes photos avec un joli sourire. En plus, en arrivant à l'école de mon plus jeune, eh bien, un papa m'a offert un livre que sa femme avait spécialement commandé pour moi. Une bonne journée qui commence. Et si on offrait tous une petite attention à quelqu'un aujourd'hui? Du coup, ce mood, eh bien, il m'a mis plein d'idées en tête et je me suis dit pourquoi pas parler de ce qui se passe bien en ce moment. Alors, du coup, j'ai fait mes petites recherches. Voilà ce que j'ai trouvé. La polio officiellement éradiquée du continent africain. L'OMS avait annoncé le mardi 25 août, l'éradication du virus sauvage de la poliomyélite en Afrique, l'une des plus grandes réalisations de santé publique de notre temps, avait déclaré le directeur général de l'OMS. Une bonne nouvelle rapidement tempérée, balayée par une réalité un petit peu plus sombre avec 204 paralysies recensées en Afrique. Mais bon, on va rester sur cette première bonne nouvelle. Les masques peuvent être recyclés, c'est l'une des conséquences du port du masque généralisé. Il engendre des tonnes de déchets non recyclables. Je pense que vous l'avez tous vu, hein, vous avez tous vu au moins une fois un masque par terre. Mais à Châtellerault, dans la Vienne, la société Plaxtil a mis au point une technique pour recycler les masques chirurgicaux en matière plastique, un moyen de limiter l'impact écologique de ces masques usagés trop souvent jetés dans la nature ou mal triés. Les habitants sont encouragés à déposer leurs masques jetables dans l'une des 50 boîtes en carton installées un peu partout dans cette ville. Les masques sont laissés en quarantaine puis traités pour le recyclage. Et si on faisait pareil dans le coin, eh bien avis aux acteurs locaux, aux collectivités. Le plus grand projet de mine d'or au monde va être abandonné. L'annonce a été saluée par Greenpeace comme une victoire très importante pour les communautés locales. Le tribunal de l'environnement chilien a confirmé jeudi 17 septembre l'abandon définitif du gigantesque projet de mine d'or à ciel ouvert de Pascua-Lama à cheval entre le Chili et l'Argentine, une décision justifiée par les dommages infligés à l'environnement lors des travaux de construction. Et ben voilà, il était temps. Ça fait du bien des bonnes nouvelles. Allez, et si je te passais le premier son que je t'ai préparé, c'est Martha Rives and the Vovu Vandelas pour Heatwave, un son de 1963. Alors, j'ai vraiment kiffé ce son, j'avais vraiment envie de partager ça avec toi. Tu me diras ce que t'en penses, tiens. Rivers and the Vandellas. Voilà, j'aurais réussi à le prononcer. Il est midi 7, tu es en direct sur Radio Guémozo et tu fais bien. Je te passe un petit message de la médiathèque de la Porte des Vosges méridionales. Aujourd'hui, c'est le premier jour de fonctionnement de leur service de prêt à emporter. Les créneaux de retrait des documents se remplissent vite, alors n'oublie pas de choisir le tien dès que la médiathèque a validé tes réservations. Surtout, respecte bien le créneau horaire choisi. Plus d'infos sur leur page Facebook. Et je te parle maintenant d'une campagne Ulule qui m'a tapé dans l'œil. Afly est une marque de vêtements qui vous propose des vêtements écologiques et uniques, créés par deux frères d'une vingtaine d'années du côté de Saint-Dié. Les vêtements sont au maximum 100% biologiques. En ce moment, c'est du coton, mais ils aimeraient aussi explorer d'autres textiles comme le chanvre, qui lui apparemment est très très écolo. Chaque acteur qui participe au projet a droit à son morceau du gâteau, que ce soit l'artiste ou l'imprimeur ou toute autre personne qui s'engage dans l'aventure. Ils souhaitent que chacun ait sa part dans les bénéfices et que cette part soit équitable. Les visuels sont vraiment incroyables, hein, très très original. Je t'invite à aller voir, ça se passe sur Ulule. Tu tapes lancement de la première collection Afly, A-F-L-I. Alors j'espère que ça se prononce bien comme ça. Donc voilà, je t'invite à aller voir tout ça pour te faire une petite idée. Je te ressors des sons que je t'ai préparés pour aujourd'hui. Et puis, si tu as envie de nous dire comment ça se passe pour toi, ton deuxième confinement, eh bien, c'est le moment où tu peux m'appeler 03 29 62 40 40. Je trouve que vous êtes bien discrets, bien timides en ce moment, les auditeurs. Et puis, j'ai pas beaucoup de photos sur notre page Facebook de vos sourires. Et moi, j'aimerais bien quand même que vous participiez. Ça me ferait bien plaisir. En attendant, je te fais écouter Neil Francis. J'espère que j'aurai encore bien bossé ça. Avec Music Sounds Bitter With You. Une reprise plutôt sympa, je pense que tu vas reconnaître. Et Sirens of Lesbos pour un son très très groovy. J'ai l'impression que cette émission musicalement, elle est plus sur le groove là aujourd'hui. On écoute How Many Miles juste après Music Sounds Bitter With You. C'est tout de suite, ne bouge pas. J'espère que t'as aimé ces sons, auditeurs. Je te vois bien te déhancher chez toi, dans ta cuisine, pour la digestion, ou alors en plein cours du repas, pourquoi pas. J'espère que tu passes un beau moment avec nous sur Radio Guémozo. Et maintenant, à l'antenne, eh bien, j'accueille Christophe de l'association Romarie Montaigne, le groupe solidaire citoyen. Christophe, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, bah, ça va. Ça va, il y a du soleil. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu le bazar avec cette période un peu compliquée. C'est vrai, c'est une période très très particulière. Alors, vous Christophe, vous agissez pour les citoyens. Qu'est-ce que vous proposez comme action? En fait, depuis le mois de mars, avec des amis, on avait proposé de faire un pot commun avec 25 euros chacun. Ouais. Et qu'avec ce pot commun, moi je relançais mon carnet d'adresse. Et on essayait de venir en aide au personnel soignant. D'accord. Donc ça allait des hôpitaux, des maisons de retraite, des infirmières libérales. Et donc avec cet argent-là, on a commencé à récupérer du tissu, de donations de particuliers. On a acheté du tissu pour faire des masques, tout ça, et on a acheté de la solution hydroalcoolique. Donc en fait, nous, dès la deuxième semaine de mars, on avait déjà 200 masques dans le groupe. D'accord. À distribuer. Et donc, au fur et à mesure, un petit groupement d'amis, on est devenu une vraie machine de guerre. Et donc, aujourd'hui, on est en possession de deux machines imprimantes 3D. Mm-hmm. Alors, avec ça, on fabrique des languettes pour ne plus avoir mal derrière les oreilles. Ah, c'est génial, ça. On fabrique des petits objets pour les clanches de porte, pour ne plus toucher les clanches de porte. Ah oui. Et après, il y a tout l'aspect bénévole et couturière. D'accord. C'est des super idées. Comment ça s'organise? Vous êtes combien au sein de cette association? En adhérent, on est 60-70 adhérents. Ah oui, d'accord. Ouais. Après, en bénévole, c'est pas, on peut pas compter parce que, en fait, nous, on a un aspect du bénévolat. C'est-à-dire que on a des gens, par exemple, on a des couturiers. Là, des couturiers, on en a 6 ou 7. Oui. On a des gens qui coupent le tissu. D'accord. Là, pareil, on en a 4 ou 5. Après, on a des bénévoles qui font des navettes. Oui. On a des bénévoles qui font les masques. Voilà, on est, je sais pas, une trentaine de bénévoles. C'est super. C'est très, très bien organisé. Ouais. Du coup, vous distribuez tout ça au personnel soignant, aux citoyens Ouais. Alors, tout ce qui est personnel soignant, oui. Tout ce qu'on fait et qu'on leur fournit, c'est gratuit. D'accord. Tout, les masques, les gants, les surblouses, les calots, tout est gratuit pour la santé. Parce que nous, on a un mot d'ordre, la santé, elle n'a pas de prix. C'est vrai. On ne vend rien au personnel soignant, à la santé. Ok. Donc là, comme pour à Saint-Étienne, on a fourni la maison de retraite de Saint-Étienne. Oui. J'y suis encore allé hier. On leur a amené, depuis le début du cours de cette histoire, on leur a dû leur amener une centaine de calots. Et ma femme est en train de me dire sûrement plus. Et oui. Des surblouses, et au moins 70 surblouses en tissu. D'accord. Comme ça, ils ont pu avoir leur jetable. Et comme ça, ils ont pu juste aller passer à 60 degrés. Et c'est bon, ils peuvent s'en servir tout le temps. Okay, on a livré, pendant le premier confinement, on a livré Éloie, Bruyère, non, le Thio, là on vient de faire La Bresse, là on a refait Saint-Étienne. Donc en fait, on fait toutes les maisons de retraite qui nous sollicitent. D'accord. C'est une super initiative. En tout cas, ça vous tenait vraiment à cœur. Du coup, à partir de ce premier confinement, il y a eu un gros déclic et vous vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose avec mes amis, en fait, il faut qu'on bouge. Ouais, en fait, dans une autre vie, j'ai eu un autre emploi. Et aujourd'hui, je fais partie des gens, vous savez, qui n'arrêtent pas à risque. D'accord. Moi, je fais partie des gens-là, j'ai une maladie évolutive. Oui. Ça s'appelle, c'est la BPCO, c'est un peu... C'est les poumons, les bronches qui sont foutues. D'accord. Donc, je suis en ALD, je suis en longue maladie, oui. En invalidité. Oui. Et dans une autre vie, j'ai été permanent syndical. D'accord. Et donc, j'avais juré de ne plus remettre les mains là-dedans. Mm-hmm. Mais quand j'ai vu le bordel que c'était au premier confinement, j'ai dit à ma femme, c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé cette idée-là, mais jamais je penserais qu'on en arriverait là. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est une... Comment tu m'as... Ma femme m'a dit hier, c'est une usine. C'est-à-dire oui. que c'est organisé, il y a une organisation de malade. C'est-à-dire que on a des gens qui viennent prendre du tissu, ils coupent, après ils reviennent chez moi, ils repartent chez les couturières. Les couturières entre elles, elles se sont organisées. C'est un truc de fou. Là, j'ai deux personnes qui font de l'imprimerie 3D. Là, j'en ai encore un qui vient de partir de chez moi. Il m'a encore ramené une quarantaine de languettes pour les oreilles. Oui. Donc, on fait du masque transparent aussi pour les sourds et muets. Ah, c'est génial. Donc, ça. On fait ça aussi pour les enfants. On fait des visières pour les gamins. On a une femme, par exemple, une dame qui est venue avec un enfant qui est handicapé. Oui. Et qui est en fauteuil roulant, qui ne porte pas les masques. Bon, pendant le premier confinement, on lui a donné... Là, on a donné des visières. On fait tout, tout. En fait, on fait tout ce qu'ils font pas. Oui. C'est le vrai problème. Il est simple. C'est que on fait tout ce qu'on, dans le premier confinement, on a fait tout ce que l'État et les municipalités n'ont pas fait. Mmh. Et donc, et nous, on pensait que au deuxième confinement, ça serait mieux, mais c'est pas mieux. Oui. C'est le même bordel. Je vois. C'est le même cirque partout. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers ce que vous faites, vous pensez aussi aux gens qui sont oubliés, voilà, les sourds, les personnes handicapées qui ne peuvent pas porter de masque. Pour eux, c'est compliqué de porter un masque et vous, vous y pensez. Et ça, c'est ouais. vraiment une super idée. Les tissus que vous utilisez, c'est des tissus locaux en partenariat avec des entreprises du coin ? Oui, alors je vais vous les donner. Alors, on a beaucoup, sur le premier confinement, on a beaucoup fait de la récup... de bouche à oreille. D'accord. Donc, les gens ont vidé leurs armoires. Donc, on a récupéré énormément de draps, de housses, de couettes, de tout. Oui. Les gens, ils venaient nous amener ça à la maison. Après, il a fallu qu'on commence à acheter du tissu, nous, pour le groupe, pour faire des masques. Oui. Donc là, on a commencé à acheter du tissu. Mais pour vous donner quand même, quand je dis acheter, pour vous donner un ordre d'idée, parce que ça me fait rire quand je vois certains qui sont moussés sur le journal à dire qu'ils ont fait une cagnotte en ligne et qu'ils ont ramassé 2000 euros. Mm-hmm. Nous, depuis le début de cette histoire, avec des dons et des adhésions, on a ramassé plus de 8000 euros. Ah oui, d'accord, quand même. Ouais. Donc, on a passé des partenaires. Moi, par rapport à mon ancien boulot, j'ai rappelé des anciens patrons du textile. Donc, on a travaillé avec Garnier Thiébault. D'accord. De Gérardmé, on a travaillé le drap, on travaille encore parce que hier il m'a encore donné du matériel. On va travailler aussi avec le drap français. Ok. On a travaillé et on travaille encore parce que dimanche il m'a amené de l'élastique et du fil. Oui. Donc on a travaillé aussi avec Tantoret. Oui. Il nous a donné des 60 mètres de tissu pour faire des tabliers pour la Maison des Lois. D'accord. Ce matin je suis allé à Intermarché. Mmh. Intermarché vient de nous donner deux gros cartons de masques jetables et des gants. Et jeudi, j'y vais chercher de la solution hydroalcoolique. D'accord. Valneige, blanchisserie du Val d'Azol, m'a donné 250 draps pour faire des surblouses. Oui. Donc vous voyez, il y a... Ah oui, c'est incroyable. Il y a vraiment un gros réseau. Une dynamique de solidarité qui s'est mis en place. Oui. J'ai un donateur qui veut rester anonyme à Armiremont. Lui, il nous a donné un photocopieur professionnel. Oui. Par exemple, j'ai un autre donateur, Saint-Étienne, pendant le confinement, qui nous a acheté une imprimante 3D. C'est génial. Et là, Intermarché vient de nous acheter une deuxième surjeteuse. Super. Et donc, voilà un peu... Alors ça, c'est que le côté positif. Oui. Il en faut. Parce que là, je suis en train de dire que... Parce que le problème, il y a quand même beaucoup de négatifs aussi. D'accord. Parce que moi, ce que je trouve inadmissible, par exemple, c'est que là, on vient en aide alors à la santé, oui, mais on vient en aide aussi aux gens qui sont dans la merde. Hein. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même... Avant cette histoire de Covid, on avait une partie de la population qui était dans la Moïse. Et ça s'est pas arrangé avec le Covid. Hein. Oui. Donc ceux qui avaient pas un rond avant, ils ont pas un rond. Et puis je parle pas de la population RSA, moi. Oui, je parle de gens qui travaillent. Hein. Des gens qui avaient 1000 euros pour vivre et qui aujourd'hui, il faut qu'ils s'achètent des gants et tout. Là, regardez la grande différence avec l'ancien Covid. L'ancien Covid, c'était que les adultes. Comment on fait avec les enfants? C'est vrai. Comment ils font les parents avec les enfants pour trouver des masques enfants? C'est vrai. Ils ont trouvé nulle part. Et nous, aujourd'hui, on a relancé la production de masques enfants. On a plus de ça. On a fait faire par nos couturières plus de 500 masques enfants en tissu. Oui. Donc, on a eu les parents d'élèves de Cleury qui sont venus nous voir. Ils en ont pris 80. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, 74, pardon. J'ai content que derrière, tu me reprends. Et donc, 74. Donc, et on a des gens tous les jours qui viennent nous voir pour acheter des masques pour les enfants. Oui, oui. Donc, et donc, avec ça, par contre, quand on est sur du particulier, on les vend. On les vend 3 euros le masque. D'accord. Mais c'est des masques avec la barrette pour le nez, tout ça, hein. Oui, oui, oui. Des masques. Et donc, et alors, pour revenir sur les miséraux, sur les pauvres gens qui sont dans la merde, quand on a affaire à des gens, on vient en aide et là, on fait pas marcher, on donne. Oui. On donne parce que c'est pas possible. Là, j'ai vu à Remiremont, faut payer 10 centimes la photocopie pour les attestations. Ah non, mais oui. On va où? Oui. Alors, moi, ce que j'ai fait, on a fait des photocopies et on en a mis dans les commerces à Remiremont pour que les gens puissent en avoir gratuitement. Mais c'est une très bonne idée. Non, mais on marche sur la tête. Mmh. Et 10 centimes la photocopie, ça fait 50 euros la ramette. Je sais pas où ils vont chercher leur ramette, eux. Oui. Ils sont fous, quoi. C'est vrai qu'ils sont... Alors, on marche sur la tête. Alors, on a fait des dépôts de masques aussi dans des commerces et des boulangeries. Là, je suis en train de le voir pour en mettre un peu partout, où ils sont d'accord. Et on fait des dépôts de masques. Il y en a un à la boulangerie de Saint-Étienne. Il y en a dans les boulangeries de Remiremont. À la boucherie Thiébeau aussi à Remiremont. Donc ils nous ont mis, on met des affiches et on vend minimum 2 euros, plus voire plus, mais au moins minimum 2 euros les masques. Mm-hmm. Et puis ils peuvent prendre des masques enfants ou adultes. Mm-hmm. Donc voilà. Mais moi, je suis outré de ce que je vois. Parce que je reçois des photos de filles qui travaillent en maison de retraite, elles sont habillées avec des sacs poubelles. Ah oui. Non mais on marche sur la tête ou quoi? Mm. Oui. On marche sur la tête. En plus, nous, ce qui nous sort qui nous énerve, c'est-à-dire qu'on a eu la première période de confinement. Là, Barbatruc, ils ont tous disparu. Plus personne, plus de maire, plus rien. Mm-hmm. Ils avaient tous disparu. On a été déconfinés, on les a tous revus faire le hibou sur les journaux. Et là, reconfinement, à l'ère de l'autre, ils ont tous disparu. Oui. Alors, on fait comment? On laisse mourir les gens? Heureusement, il y a des gens comme vous qui réagissent. Non, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc là, je me suis rapproché de Monsieur Frémiot, je ne sais pas si vous connaissez, du foyer des jeunes à Saint-Étienne, qui a brûlé. Donc pareil, on s'était vu un peu il y a une paire de temps, pendant le confinement, je lui avais filé des masques et de la solution et tout ça pour ces gars. Mm-hmm. Et là, il revient me voir dans la semaine, là, et je vais redonner des boîtes de masques et des gants, et de la solution hydro pour ces gars. Oui. Parce que personne ne vient l'aider. Il faut qu'il se démerde tout seul. La municipalité ne lui donne rien du tout. Oh. De Saint-Étienne. Donc, je vais vous dire, c'est une catastrophe. Donc, voilà, j'ai des gens aussi qu'on propose des aides. On leur file, là, j'ai une famille à Saint-Étienne qui était raide dans la Moïse. Mm-hmm. Pareil, le groupe, elle n'avait plus rien, plus d'ordinateur, plus rien. Eh ben, on lui a fourni un ordinateur avec une tour, un écran, pour qu'elle refasse un peu d'administratif pour faire ses papiers de tous les jours. Parce que aujourd'hui, sans ordinateur, vous faites quoi? Mais oui, c'est vrai. C'est compliqué. Donc on lui a acheté. Parce que ce qu'il y a aussi chez nous, c'est qu'on se sert de toutes les bonnes volontés. Oui. C'est-à-dire que moi, par exemple, je connais quelqu'un qui a eu son dada, il refait des vieux ordinateurs. Donc, je lui dis, écoute, on t'en prend un et puis on le donnera à la famille là. Donc, maintenant, ils ont un ordinateur et ils peuvent faire leur démarche administrative. Super. Oui. Alors, dans les projets de ce qu'on a, parce qu'on va parler, on va repositiver un peu, parce que sinon, on va finir par se pendre. Donc, ce qu'on va faire aussi, on va mettre en place des permanences. D'accord. Donc, ça va se faire sûrement à Agassiz, à Remiremont. Oui. Donc j'ai vu le directeur, il va nous prêter un local et un bureau. Et on va avoir des permanences pour recevoir des gens qui, alors ce sera, on appelle ça écriture. Donc c'est une personne qui viendra une demi-journée, deux demi-journées par semaine, une sur, peut-être deux, pour apprendre, aider les gens à faire leur CV, lettre de motif, tout ce qui est, là, tout ce qui concerne les papiers, l'écriture, tout ça. Oui, oui. Donc, et ça sera, ça va se faire, là. On va avoir aussi sur rendez-vous pour tout ce qui est problème logement. Donc, on a une personne qui va s'occuper de ça, qui a une agence immobilière et qui va s'occuper sur rendez-vous, qui les aidera à régler leurs problèmes d'immobilier. D'accord. Ou de location, ou de trouver un logement, ou des choses comme ça. On a aussi, on va faire aussi, on a un ancien assureur qui va nous faire des sur rendez-vous pour tout ce qui est problème assurance. D'accord. Donc, et on a aussi une personne qui va s'occuper de tout ce qui est reconnaissance maladie amiante. D'accord. Et maladie professionnelle. Ok. Voilà, tout ça, ça va être mis en place là. Eh ben c'est franchement c'est formidable ce que vous faites. Il y a un vrai élan de solidarité, mais en plus on propose des vraies solutions derrière. Hein. C'est pas que du blabla, là c'est du vraiment du concret. Groupe solidaire. Voilà. Groupe solidaire citoyen. Vous pouvez auditeur retrouver cette page sur Facebook. Du coup j'imagine que tous ces futurs projets, les infos y seront. Ils y sont ouais. Sur la page Facebook. Super. Et c'est sur notre page Facebook et il y a même mon numéro de téléphone. Oui oui. Donc, ils peuvent m'appeler et en fait nous on fait, je le dis depuis maintenant 8 mois, le groupe Solidaire Citoyen il est athée, alors c'est D'accord. pas la peine, et c'est pour ça aussi que on ne veut pas être subventionné. Oui. Parce que on fait aucune demande de subvention, parce qu'on veut être libre et on dépend de personne, et donc comme ça on fait comme on veut et on dit ce qu'on veut surtout. Oui. Donc et dans les temps qui courent, la liberté de parole, on est précieuse. On peut très bien dire ce qu'on veut parce qu'on défend personne. On s'autofinance. Alors bien sûr, c'est dur parce que c'est pas facile. Oui. Mais on y arrive. Mais en tout cas, on vous félicite vraiment pour tout ce que vous faites pour ce groupe et on félicite toutes les personnes qui participent avec ça, vous. Surtout le collectif, hein, parce que franchement, j'ai des gens formidables. Pour vous donner un petit exemple, j'ai une dame de Saint-Étienne, quand on a lancé les masques, elle nous a fait 300 masques enfants en 5 jours. Waouh ! Ah oui ! Ah oui ! Quand même ! Et donc, moi j'ai des gens formidables dans le groupe. Je les appelle, ils sont en permanence en train de me dire « ça va, si ouais, j'ai fait que 50 masques », je dis « c'est bon ». C'est cool, hein, mais oui. Et on fait déjà la place des autres, donc c'est cool, hein. Non, donc, c'est vraiment incroyable. Les gens, j'ai une équipe extraordinaire, hein. Extraordinaire. Oui. Mais c'est aussi la preuve que nous, on travaille dans un rayon de 20 km autour de Remiremont. Oui. Voilà. On s'est dit, voilà. Et si tout le monde se bougeait un peu et que parte, parce que moi, j'étais, à un moment donné, j'ai même proposé à venir expliquer comment on a fait, hein. Oui. Moi, c'est très simple, hein. Il n'y a pas besoin de. Moi, j'ai aucun brevet, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de bac, j'ai rien du tout. Hein. Moi, je suis un autodidacte. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire des trucs comme on a fait. Hein. C'est vrai, il faut un peu de volonté. C'est faisable ailleurs, hein, ce que j'ai fait moi. Oui. Donc, moi, j'étais prêt à venir l'expliquer à d'autres qui veulent le faire. Hein. Bah, c'est une très bonne idée. C'est très facile. Hein. Si tout le monde fait dans un rayon de 20 km, je vais vous dire, on s'en sortira. Hein. Oui. On s'en sortira. Parce que nous, après, là, pour l'instant, on est sous le feu de l'action du Covid, mais le groupe Solidaire Citoyen va pas s'arrêter à... On continuera après sur d'autres actions, hein, parce que sur la misère, sur des choses comme ça, on a de quoi faire, hein, je vais vous le dire. Hein, je vais vous le dire. Oui, j'imagine. On voit bien, hein, sur tout ce qui est nourriture, tout ce qui est locatif, tout ce qui est... Il y a un vrai problème, hein, on a des instances qui ne fonctionnent pas. Hein. Oui. On voit bien. Hein. C'est vrai. On voit bien. Hein. C'est chacun... Au niveau national, ils pondent des trucs qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et puis après, chacun se démerde, chacun se donne la patate de choses. Et puis à l'arrivée, qui sait quel dindon de la farce, ben c'est nous. Yeah. Voilà. Donc, nous, on s'occupe plus de personne. On fait dans notre coin. Et puis de toute façon, comment voulez-vous qu'on m'engueule? Je fais ce qu'ils font pour. Alors. C'est vrai. Donc, et encore, hein, je vous dis, tout ce qu'on n'a pas, je ne vous ai pas tout dit, hein. Nous, pendant le confinement, on a distribué des croissants partout, hein. Toutes les pharmacies, à l'hôpital, les pompiers, les gendarmes, la police, on leur offrait tous les 15 jours des croissants, hein. Ah oui. Et tout ça, on faisait livrer, et moi, ils m'ont jamais vu, hein. Nous, c'était le boulanger qui allait livrer. D'accord. Donc, on a fait plein de choses, hein. Plein, plein, plein. Donc, voilà. Eh ben, dis donc, c'est incroyable tout ce que vous faites. En tout cas, j'espère qu'on va rester en contact et on va relayer tout ça sur nos réseaux. Groupe Solidaire Citoyen, la page Facebook, eh bien, est active. Vous pouvez directement prendre contact avec Christophe si vous souhaitez participer bénévolement, faire un don, ou alors si vous avez besoin de quelque chose, eh bien, surtout, n'hésitez pas. On vous félicite, en tout cas, vous et toutes les personnes qui se mobilisent auprès de vous. On embrasse votre femme, la tête pensante. Ouais. C'est là. Elle est, en fait, c'est la trésorière de l'association. D'accord. Eh bien, on embrasse la trésorière. C'est elle qui est, c'est Carole Arnoux. D'accord. Qui est la secrétaire. Super. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. On se tient informé. Comme je vous l'ai dit, je vais passer vous amener, je vous téléphonerai avant et je vous amènerai deux boîtes de masse jetables. Ah bah c'est très gentil, merci beaucoup à vous. Et merci. Puis on vous donnera des languettes, comme ça vous pourrez tester, vous aurez plus mal aux oreilles. C'est vrai que c'est plus confortable comme ça. On vous remercie mille fois en tout cas pour tout ce que vous faites. Auditeur, c'est le moment où je ressors mes sons que je t'ai préparés, Make It Up de Tizza. Alors un son un petit peu bizarre, je te l'accorde, mais un gros kiff. S'en suivra Delegation pour You and Me. On retrouvera juste après en direct Victor de chez Narcisse. À tout de suite. Make it up. auditeur, j'espère que tu passes un bon moment avec nous. Tu es toujours sur Radio Gemozo et on retrouve maintenant Victor de la salle de concert chez Narcisse. Bonjour Victor, comment ça va ? Bonjour Lia, bonjour Gemozo. Merci, merci pour ce petit temps d'écoute, ça fait plaisir. Eh bien ça va, il y a du soleil en ce moment, on profite gentiment du confinement et on a hâte de revoir du monde au comptoir, de voir du monde participer à des spectacles. Ça fera du bien. J'imagine, oui. Alors, on est dans l'édition numéro 2 du confinement. Hein, voilà, tout le monde le sait maintenant. Comment ça se passe pour toi, Victor, et ton équipe ? On va dire que depuis qu'on s'est réellement fait à l'idée, que ça soit en avril, depuis l'annulation de notre festival, ou pour cette saison en cours, depuis qu'on s'est fait à l'idée que l'année en cours et à venir sera blanche sans concert. Depuis qu'on l'a accepté, ça va bien. Oui. On fait autre chose, on s'occupe sur des ventes à emporter, sur des nouvelles séries de t-shirts qu'on a fabriqués pour que les gens nous soutiennent, de ventes de bières à emporter. Et on va dire, pour l'équipe en général, ça va, on commence doucement à reparler du festival Le Pied Orange pour 2021. Ah ben c'est super. Donc la saison 2021 là, elle est en préparation. J'imagine que ça vous fait beaucoup de bien de vous projeter dans cette future programmation. Est-ce que vous arrivez à établir les choses ou vraiment là ça reste plus ou moins des idées en tête pour le moment en attendant d'en savoir plus sur la situation à venir? On établit avec plusieurs scénarios toujours, oui. Parce qu'on va dire sur la situation actuelle, on s'attend plus à rien. On a plus d'attente sans être fataliste ou on va dire négatif. C'est que voilà, on se prépare à tout. On sait, oui, que tout le monde a un avis. On sait que la situation a fait des bons, des rebonds, du mieux, du moins bon, mais que la seule certitude, c'est que à l'heure actuelle, pour le spectacle vivant, il faut pas trop se projeter ni s'emballer trop vite. Du coup, on va dire qu'on est prudent. On se prépare à plusieurs scénarios et à partir de juin de l'année prochaine, à peu près, au mieux. Oui, c'est sûr. Alors, question plus ou moins rhétorique, hein, Victor, est-ce que tu comprends cette nouvelle décision gouvernementale qui concerne, eh bien, toi, t'es dans deux axes en plus, hein. Il y a le bar chez Narcisse, donc j'imagine que tu dois être fermé, et là, tu vas proposer des solutions alternatives dont on va parler juste après. Il y a aussi le monde du spectacle avec la salle de concert. Est-ce que tu comprends que l'on arrête tout ça, encore une fois? Si on parle de santé publique, bien évidemment, d'accord, parce que peu importe l'avis sur la situation, sur ce qui se passe actuellement depuis quelques mois, peu importe l'avis, la priorité c'est la santé publique. Mmh. Après c'est les méthodes mises en œuvre et les avis qui sont pris en compte, qui sont pas pris en compte, même par les personnes qui nous gouvernent. Donc comprendre qu'il y ait que les spectacles soient ralentis, oui, on va dire que c'est une manière pragmatique, c'est inévitable. Fermer les bars, les restaurants, les considérer comme des pestiférés et aller s'agglutiner à 2000 dans des supermarchés, non, là on comprend aucunement les incohérences, mais bon, voilà, on a rien à dire. On a rien à dire. Voilà, ça reste le constat qu'on fait actuellement, c'est que peu importe l'avis qu'on a, si on a un avis inverse, si on est contre quelque chose, ben on n'a pas de moyen de l'exprimer de manière claire. Donc on fait en sorte de préserver notre santé mentale pour pas devenir fou, que ce soit à titre personnel ou professionnel, pour garder à peu près le moral, on va dire, ouais. Je comprends, vous êtes beaucoup dans ce cas-là, c'est vrai qu'on écoute beaucoup ce qui se passe autour de nous et vous êtes vraiment beaucoup à être impacté par tout ça, et voilà, il faut garder la force et psychologiquement ça doit être compliqué, mais il faut tenir, il faut garder le moral. Est-ce que ça met réellement ton activité en péril, ce deuxième confinement-là ? Est-ce que tu dirais ça ? On va dire de manière peut-être, alors peut-être que on était lucide en juillet, en août, en se disant que on voulait pas trop s'emballer et que l'automne, l'hiver serait peut-être compliqué à passer. Du coup, on avait anticipé en coupant tout investissement, en coupant toute projection sur des travaux. Et première économie dans un petit commerce de village comme le nôtre, et bien c'est le salaire de la personne qui s'en occupe. Donc en l'occurrence moi. Donc on fait une croix pour pérenniser le fonds de commerce. Donc pas de salaire. Donc on va dire on vivote. Wow. Quand même. Ok. Est-ce que concrètement, tu as des aides du gouvernement, de la commune pour t'aider à faire face à tout ça? Parce qu'on parle beaucoup de ces aides qui sont attribuées et au final, encore une fois, en écoutant les petits commerçants, les producteurs, on se rend compte que c'est pas toujours ça. C'est pas toujours au rendez-vous ces aides. C'est vraiment fluctuant. Pour ce qui est de la commune, je pense que même si certaines communes seraient prêtes à aider des commerces pour qu'ils restent debout, nous, notre point de vue, c'est qu'on veut pas demander, on veut pas se sentir, on va dire, redevable, même si ce serait éventuellement bienvenu. Oui. Pour ce qui est de l'aide de l'État, on touche les 1 500 euros qui sont promis pour les petits commerçants, donc qui sont obligés de fermer, donc comme les cafés, restaurants. Mais bien sûr, comme toute aide, il y a des conditions. Hein, il y a des conditions qui sont de pas dépasser 50% de chiffre d'affaires. Et derrière, il y a eu énormément d'effets d'annonce, hein, sur les reports, sur les annulations, sur les suppressions de charges. Donc il n'y a pas eu de suppression de charges aussi, ce n'est sur le global 5%, donc des économies qui sont faibles, certes présentes mais faibles. Et derrière, voilà, on va dire 1 500 euros de l'État par mois, quand on n'a pas eu un chiffre d'affaires qui n'excédait 50%. Mais sinon derrière, non. Oui, et pour faire face aux charges, j'imagine que ça suffit pas du tout. Alors, est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut faire quelque chose pour aider chez Narcisse? Donc, tu nous en parlais au début, tu proposes des choses à emporter. On peut venir chercher quoi chez toi, là, exactement? Donc, depuis 3 ans maintenant, on fabrique de la bière avec la brasserie Bon Poison à Metz, avec Quentin, Florent, donc qui sont originaires de Bellefontaine. On fabrique cette bière aussi bien à la pression, donc là c'est quand les périodes de concert et quand le café est ouvert, et aussi en bouteille, donc en carton à emporter. Oui. Donc on en a en stock. Les gens peuvent passer un coup de téléphone, peuvent passer un message sur la page Facebook ou sur le site internet, sur le formulaire de contact pour commander cette bière et venir la chercher. Oui. Autrement, sur tous les vêtements qu'on conçoit à l'année pour Narcisse, on a sorti il y a 15 jours les nouveautés pour la fin de l'année. Ça va des t-shirts au cahouet, des bonnets aux casquettes, des mugs aux planches à découper. On va dire c'est certes pas considéré comme des produits de première nécessité, mais pour le cœur du commerçant, on va dire, ça peut être un moyen de nous aider. Voilà. Mais derrière, on n'est pas entré dans un système de fonds participatifs, de cagnottes en ligne. On se dit que si un jour on fait ça, ce sera vraiment extrême urgence. Mais on veut pas entrer dedans encore. Ok, je comprends. Est-ce que tu as des messages de solidarité? Est-ce que les gens s'activent autour de toi pour te donner un peu de chaleur et puis participer en achetant des choses à emporter? Est-ce que ça, tu le constates? Oui, alors autour de moi, non. Pour l'institution Narcisse, on a vu quand il y a 15 jours, on a fait une vente, ça s'est plutôt bien passé. Les gens étaient là au rendez-vous, donc que ça soit des locaux ou des gens de l'extérieur, public habituel du concert. Ce qui fait surtout plaisir, c'est de voir du monde, c'est de voir que pour certains, on n'est pas considéré comme non essentiel ou comme pour d'autres commerçants. Quand on entend du soutien, ça fait du bien. Et ce qui fait chaud au cœur, c'est l'impatience, on va dire, générale des gens de sortir, de ressortir, et de voir du monde. Donc quelque part, ça reste rassurant pour le court et le moyen terme, en se disant que même si la période actuelle est compliquée, ça permet de garder le moral, on va dire. Oui. Est-ce que tu as envie de passer un petit mot doux à tes confrères, Victor? Un petit mot doux, alors je ne saurais pas réellement quoi dire, parce que je pense que le moral de commerçants de village fluctue actuellement, mais ce serait de continuer comme ça, et ce qu'on se rend compte actuellement, c'est que c'est une clientèle locale qui nous permet de continuer de perdurer, donc bon, il faut pas lâcher, il faut continuer. Merci beaucoup Victor de nous avoir accordé un petit peu de temps pour nous expliquer eh bien ta situation, ton point de vue sur les choses. On souhaite bien entendu force et courage à toute ton équipe, à chez Narcisse. On a tellement hâte de vous retrouver. Pour se mettre un petit coup de patate, là j'ai envie de passer un son des Tagada Jones, de rire et de larmes. T'en penses quoi ? Eh bien c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Merci à toi, merci à Guimozo et bon courage à tout le monde aussi. Merci. Merci. À bientôt. Jolie petite histoire, un beau conte de fées, sans violence ni cauchemar. Il était une fois un copain, une amie, des atomes crochus et un début de vie. Il était une fois un petit rêve éveillé, des paillettes dans les yeux et un chemin tracé. Il était une fois un avenir fleuri, comme dans les plus belles histoires qu'on nous avait promis. Le ciel s'est assombri, les nuages ont masqué les dernières éclaircies, puis l'orage a grondé. Ainsi est venue la pluie, la tornade a rasé ce qui était construit. Il ne reste que des cendres d'un passé consumé, ou encore des Legos qu'on ne peut plus emboîter. Il reste des souvenirs et quelques derniers sourires en guise de sursis. Ainsi va la vie, faites rire des larmes. Visiter d'autres contrées, il faut donc se relever, se battre pour avancer. Un amas de poussière recouvre un champ de ruines. Halo de lumière scintille et illumine une terre encore brûlante, totalement dévastée. Reste plus qu'une rose fanée, seul vestige du passé. De larmes, Tagada Jones, ce titre tout droit sorti de leur dernier album, un son que j'ai piqué bien sur la page Facebook de chez Narcisse. Surtout, n'hésitez pas à y aller faire un tour, soutenez vos commerçants, vos producteurs locaux, ils ont besoin de vous, là on le voit plus que jamais. J'étais ravie, auditeur, de te retrouver aujourd'hui pour cette troisième de Micro Ouvert. Merci beaucoup à toi d'avoir été présent avec moi. Vendredi, je serai nouveau, eh bien, en direct avec Daniel Endao de Total Comédie et de la Danse Moderne Academy. Nous serons en direct à la fin de l'émission avec Jack Simard pour la sortie de son nouvel album. En attendant, eh bien, prends bien soin de toi, auditeur. N'hésite pas à aller faire un tour sur notre page Facebook où cette émission d'aujourd'hui, eh bien, il sera en podcast. On fait un grand bravo à cette fameuse page Groupe Solidaire et Citoyens, cette nouvelle association qui vient d'être montée avec Christophe, qui a été montée lors du premier confinement, et on voit à quel point la solidarité là est importante. J'embrasse bien fort Marion, ma collègue qui vient de partir en vacances. Je te souhaite de très très bonnes vacances. J'embrasse tous ceux que j'aime, que je ne peux pas voir, et tous ceux que j'aime, que je peux encore voir. Vous aussi, faites des gros bisous à ceux que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, c'est très très important. Ça fait longtemps que je te l'ai pas dit, mais c'est rire, bonheur et joie à tous.